Dis, Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou et Bibounette, Bibounette et Bibou, ils se prennent pas la tête et vous donnent rendez-vous. Rendez-vous bonne franquette chez Bibou, Bibounette, chez Bibou, Bibou et Bibounette. Net, net, net, net. Bonjour mon Bibou. Bonjour Bibounette. Bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Eh ben ça va bien et toi? Oui, bienvenue chez Bibou et Bibounette le podcast. Tout à fait, tout épisode, à fait. Est-ce que tu sais à quel épisode on est? Eh ben je crois qu'on est à l'épisode 9. C'est ça, bien joué. Épisode 9. Eh ouais, on est déjà à l'épisode 9 et puis voilà, on a notre petit rituel du dimanche maintenant, d'enregistrer à la maison. Et c'est j'avoue, ça. Ça devient presque une petite habitude très confortable, moi j'aime bien. D'accord. Pas toi? Si, si, si, si, mais c'est vrai qu'on enchaîne pas mal ces temps-ci, les épisodes, depuis juillet, début de l'été. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fini, c'est pas terminé. Non. On a chopé un bon rythme là d'enregistrement et ça va continuer c'est comme ça. Et puis, vous allez avoir aussi une petite surprise de fin d'année. Avec Bibou, on en a parlé et on vous réserve une petite surprise. D'accord. Donc ce soir, on va se boire une petite bière, on va se boire une ciné, c'est ça? Ouais. Une petite ciné, c'est une petite bière blonde belge. Ouais, qui est à 7 degrés, alors j'avais pas vu ça quand j'ai acheté, ça va peut-être un petit peu taper. Alors les chiens, vous allez retourner direct au dodo. Allez, oui. Yago, tu montes. Dépêche-toi. On s'est demandé quand est-ce que ça arriverait, ce truc des chiens qui s'énervent juste au moment, quand ils étaient calmes toute la journée, mais qui s'énervent au moment où on enregistre. Et ben voilà, épisode 9, ça y est, c'est parti. Les chiens, ils veulent faire leur épisode aussi, quoi. T'as réussi à assurer le truc. Là, il y a Dame qui est en mode, elle veut jouer, quoi. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. On va continuer. En tout cas, santé à toutes et à tous. Ouais. Et puis, on va trinquer. Et puis, très bon épisode, mon Bibou. Oui, ok. Et elle est pas mauvaise. Ah ouais, tape un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Ah, ok. Et voilà. C'est ce que la petite musique d'ambiance. Et je pense que on va vous laisser écouter un petit peu. Vous entendez? Vous avez reconnu? Nous, quand on entend ces petites mélodies, maintenant, c'est bon. On est transporté. Et on est transporté où? Dans le jeu Last of Us. The Last of Us. Alors, dans les deux jeux. On dans va parler aujourd'hui de la partie 1 et de la partie 2. Exactement. Ouais. Et puis, on va vraiment vous parler du jeu. D'une part, d'où il vient, qui c'est qui l'a fait. On va vous raconter l'histoire globale, en fait, ouais, du 1 faire un petit récap pour ceux qui l'ont fait. Alors, j'imagine que si vous écoutez cet épisode, vous avez déjà joué au 1 et aux deux, ou vous comptez ne jamais les faire, parce que là on va spoiler à fond, on va tout raconter, clairement, vraiment ça va être dommage de dévoiler, enfin si vous connaissez pas l'histoire. Clairement c'est du spoil, là on va pas se retenir parce qu'on s'est déjà retenu assez longtemps, on va en parler après, mais là on va se lâcher quoi, tout c'est à bon. Fait. Ok, et c'est parti pour un épisode The Last of Us. Yep. Je te propose, je vais commencer par une petite présentation. Vas-y. Un petit peu du 1 et du 2. Vas-y. The Last of Us, c'est un jeu qui a été développé par Naughty Dogs. Ouais. Naughty Dogs, c'est le studio qui a fait les Uncharted, toute la saga des 4 Uncharted, tout déjà. Et Naughty Dog est édité par Sony Computer Entertainment sur PlayStation 3 et sorti le 14 juin 2013. Donc là, on parle bien du premier. Donc le jeu a déjà 7 ans. 2013. Voilà. Le jeu connaît une version remasterisée titrée The Last of Us Remastered, c'est celui que j'ai fait, que tu m'as acheté, qui regroupe tous les contenus téléchargeables, donc le DLC, tout à fait. Que j'ai fait aussi, sorti sur PlayStation 4 le 29 juillet 2014, donc un an après. Donc on reste quand même sur... ça fait 6 ou 7 ans quand même. Hein, ça fait 7 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Là, on va parler du 2. The Last of Us 2 est sorti le 19 juin 2020. Ah, la veille donc, de ton anniversaire, en plus. Et tu sais quoi, je me souviens qu'à mon anniversaire, quand j'invitais tous les potos du podcast, et pas tous les potos, quoi, ils jouaient tous à The Last of Us, et ça parlait, et c'était une horreur pour moi, donc je m'éloignais des discussions. Je me rappelle de Lua qui parlait beaucoup du jeu, donc Tu fermais tes écoutilles et tu t'en allais, en fait. Je me barrais vite, surtout, quoi. On retrouve deux concepteurs principaux, donc il y en a énormément, quoi. Donc on a Bruce Stradley et Neil Bruckman, qui sont les co-créateurs et les producteurs. En sachant que le dernier, Neil Bruckman, sera aussi le scénariste pour la série HBO qui est prévue, et qui sera scénarisé par Greg Mazin. Donc vous connaissez peut-être pas de nom comme ça, mais c'est celui qui a scénarisé la série Tchernobyl. Tout à fait. Ah, elle était très bien cette série HBO, ouais, hein. Vraiment. Je suis assez confiant de savoir que c'est lui qui scénarise cette série. tout à fait. Ça nous d'un côté, c'est un peu rassurant, en fait, parce que nous, on a été tellement retournés par le jeu. Ouais. Quand tu sais qu'il va y avoir une série derrière, tu dis non, non, non, ils ont déjà saccagé The Witcher, par pitié, ne saccagez pas The Last of Us. Alors, il me semble que c'est lui aussi qui a scénarisé tous les Scary Movie, les choses comme ça. Oh non. Mais on n'en parle pas, ouais. On va rester sur Voilà. C'est ça. On va retrouver à la musique Gustavo Santaolalla. Ouais, je me suis pas trompé. Santaolalla. Donc, qui a composé le score du premier et du deuxième jeu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a aussi composé d'autres séries, en fait. La série Deadwood. Ah oui, tout à fait. Qu'on a regardé, qui est vachement bien. Ouais, exact. Et dernièrement, la série Making a Murderer, une série fan. Documentaire. Ouais, ouais, je suis une grande fan et puis je fais partie du comité de soutien. Oui, je sais. Ouais. Tu m'en parles souvent. Mais... je t'en parle souvent, mais, ouais, mais ça avance, les procédures avancent. Et donc, Making a Murderer a été vraiment un tremplin de mettre cette lumière au jour. Mm-hmm. Mais ça avance, les procédures avancent et ça va avancer. Et on va parler de Making a Murderer, en fait, finalement. Non, non, non. Donc voilà, bah, deux séries et séries documentaires avec des superbes BO. Tout à fait. Et on va retrouver mon petit chouchou un petit peu, qui est McHale, qui a fait uniquement le score du deuxième, ouais. Qui, est aussi, qui a aussi signé le score de la série Mr. Robot de Sam Esmail. Magnifique également, si vous ne l'avez pas vu, là vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Ah, Mr. Robot, c'est un génial. Régal. C'est ouais, un ouais. Régal. Donc j'ai appris dernièrement que McHale, donc ils se sont partagé la tâche pour faire la BO des deux jeux. D'accord. McHale était plus spécialisé pour faire toutes les plages de tension un petit peu, de combat. Oui, les moments un petit peu tendus, les moments où tu sais qu'il va y avoir du combat, où tu reconnais justement au son. C'est ça. Les moments où ça change un peu. Voilà, voilà. Tu sais qu'il y a une ambiance qui change, ces moments sont hyper importants dans le jeu, justement. Ah ouais. Donc, la bande vraiment... son est très très importante dans The Last of Us, quoi. Complètement, ouais. Ouais. Donc ils se sont vraiment partagé le boulot, un peut-être plus pour les scènes de tension, et quand, quand tu réécoutes, parce que moi je me suis réécouté la BO de Mr. Robot, c'est vrai que la BO est très stressante, très, tout le temps très oppressante, en fait. Quoi. Presque limite anxiogène, en fait. Ah bah, c'est, c'est le but de quoi. Mr. Robot. C'est sans doute quoi. Pour ça qu'il a été choisi pour co-signer la BO. Ouais, ouais. Ok. Et c'est vrai que Last of Us a une petite histoire, en fait, pour nous deux. Parce que quand il est sorti, c'est vraiment le jeu. On s'est regardé, on a fait. Mais on sortait, en fait, de Walking Dead, je pense, à ce moment-là, sur Xbox. Ah ouais, et je tu pense sais, que on l'avait fait période. En coop ouais, tout à fait, sur. Ouais. Sur Xbox. Alors Walking Dead, c'était un jeu point and click, en fait, avec plusieurs possibilités de réponses. C'était pas un point and click, c'était un petit peu quand un même. Un peu quand hein. même. Ouais, ouais, tout à fait. Mais, ouais. Voilà, à choix multiple. À choix multiple, voilà. Et donc du coup, on se passait beaucoup la manette, on travaillait en coop. Et quand on a vu Last of Us, on s'est dit bah ça y est, on veut celui-là, mais ouais, bon, on veut ce jeu, mais en même temps, on veut pas la console, quoi. Donc ça a été compliqué. Bah, c'est pas forcément que je la voulais. Enfin, je la voulais, mais le truc, c'est qu'on était déjà Xbox à la maison. J'avais c'est la ça. 360. Je me suis acheté la One. Et à l'époque, je me voyais mal racheter une PlayStation Encore 4. Une Play, quoi. Ouais, elle coûtait assez cher à l'époque. C'est ça. Mais je t'avoue que je bavais un petit peu sur ce jeu. C'est ça. Alors, je dois avouer que ça fait 7 ans. 7 ans qu'on attend, quoi. Qu'on attend et que je m'empêche de regarder la moindre vidéo du jeu. Puis même niveau podcast, parce que toi, t'écoutes beaucoup de podcasts. Bah, ça fait à peu près 7 ans que j'écoute des podcasts. Et beaucoup, la moitié des podcasts que j'écoute sont des podcasts jeux vidéo. Et dès qu'ils commencent à dire The Last of Us fait. Bah, c'est un exercice, c'est une gymnastique très compliquée de. Vraiment, enfin, en plus quand le jeu est sorti, tous les podcasts évidemment en parlaient, donc je coupais à chaque fois. Ou t'allais plus loin, t'avançais dans le podcast pour écouter après, une c'est fois ça. Qu'ils avaient pu parler de, ils avaient fini de parler de Last of Us quoi. Mais étant donné que c'est un jeu très majeur en fait, ça fait 7 ans que le jeu revient souvent sur le tapis, que les gens en parlent, donc ça fait 7 ans que je m'empêche de regarder le moindre stream. Bon ben, c'est chose faite, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y joue et qu'on en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, Vincent, juste quand on a été confinés, après on a été déconfinés, et puis Vincent, super sympa, nous a prêté sa PlayStation. Il arrivait un soir avec la PS4 sous le bras, alors que je lui avais pas demandé, je lui avais juste parlé un jour de The Last of Us, en me disant, bah écoute, en ce moment, je m'en sers pas trop, je vas-y, sais que tu veux faire. Faites-vous plaisir. Vas-y, fonce, vas-y, Jean-Paul Duss. Vas-y, fonce. Et donc, génial, il m'a ramené ça. On s'est empressé d'aller. Bah oui, à Micromania, on a récupéré Last of Us 1. C'est ça. Et puis, le soir même, c'était parti. Last of Us, grande télé, à fond les ballons. Ouais. Alors, en fait, là, on va vous parler de Last of Us d'une certaine manière, en fait. C'est-à-dire, vous allez avoir le point de vue d'un joueur, qui est Julien. Tout à fait. Et mon point de vue, qui est vraiment. Moi je soutiens, je regarde, j'encourage, je donne des conseils tactiques. Tu te caches sous les couettes, je me cache sous les couettes quand ça fait peur. Je nourris le bibou aussi. Ah oui, ah, je pensais pas que t'allais parler de ça, mais oui, effectivement, tu m'as nourri. Le Bibou aime bien manger des petits morceaux de croque-monsieur pendant qu'il joue. Et mais c'est vrai que dès qu'on fait un grand jeu vidéo comme ça, c'est toujours croque-monsieur, tu les prépares pour tout le week-end. C'est vrai. Et c'est génial. Vrai. Ah ouais. Non, c'est cool. Ça se mange super bien, c'est super rapide quoi. Et ouais, et puis on a eu 3 semaines avant de reprendre le boulot. Avant la reprise de nos contrats, c'est ça. Donc ça tombait mais parfaitement ouais, bien carrément, pour faire. Carrément, une semaine. Last of Us 1, je crois, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais qu'au début, je voulais pas forcément faire le 2. Enfin, j'avais pas envisagé de faire le 2. C'était juste. Ouais, c'est vrai qu'on en avait pas trop parlé en mais, plus. Mais quoi. Pas du tout. Je savais qu'il coûtait quoi, 12 euros. Enfin, le 1. Maintenant, il coûte 10 balles à Micromania, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, fais-le, quoi. Mais j'avais pas envisagé de faire le 2. Ouais, le 2, il était super cher en plus, quoi. Donc. Ouais. Non, pas encore. Mais l'histoire du 1, elle est tellement. Prenante, ouais, captivant. Ça a pas été très long avant que je me dise, bon, j'enchaîne sur le 2 directement non, après. Quoi. Surtout quand t'as Bibounette à côté qui fait bon, bah c'est bon, ça y est, c'est commandé, ça arrive dans 2 jours. Parfait. Bon, bah c'est parfait. Moi, je crois que je peux dire maintenant que c'est. Bon, il me faut un petit peu de temps de maturité, enfin de. Que le jeu mature un petit peu, mais c'est je vrai. Pense que c'est avec Zelda, évidemment, Breath of the Wild. Mon jeu de la décennie 2010-2020. Ouais, quoi. Il est juste magnifique. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, par contre, c'est le genre de jeu que je ne peux pas trop faire parce que les jumpscares, les. Non, moi, ça. C'est tout le côté survival horror, en fait. Ouais, qui te... je pense que c'est ouais. Ça. Ouais. Tu mais préfères après... que ce soit moi qui flippe, en fait. Voilà, c'est exactement d'accord. Ça. Après, la façon dont tu as mis en place le jeu. Ouais. Ça a été beaucoup plus agréable, je pense, même pour toi de jouer comme ça, en fait. Qu'est-ce que tu commences à... On y reviendra après. Ah, d'accord, après. Ok, très on bien. On y reviendra ouais. Après. Ouais, ouais. Tout à fait. Écoute, ce que je te propose maintenant, c'est que on refasse un petit check de l'histoire, parce que bah l'histoire, ouais. C'est pas qu'elle est très compliquée, mais il y a pas mal de points importants. Tout à fait. Et peut-être qu'on parle à des gens qui y ont joué, mais il y a quelques temps déjà, donc... On va resituer l'histoire, en fait. Exactement, ouais, voilà, ouais. On va ça resituer, va pas être très long, mais... On va resituer l'histoire. Ok, très bien. Bah, si tu veux commencer par le... Bah, le 1. Le Last 1. Très of bien, Us ouais, 1. Parfait. Ouais, ouais. Donc Last of Us, en fait, ça se passe dans un monde post-apocalyptique à Boston, après une épidémie ayant échappé à tout contrôle et ravagé la civilisation humaine, 20 ans plus tôt. Les deux personnages principaux doivent récupérer munitions et vivres pour avancer dans leur quête et triompher des infectés et des survivants hostiles qu'ils croisent. Les deux personnages principaux sont Joël, un homme d'une 50aine d'années, et Ellie, une adolescente de 14 ans. Ellie est une adolescente donc orpheline qui n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant la contamination. Elle s'est endurcie et a appris à se servir de différentes armes, couteaux, arcs, pistolets. Joël a connu le monde avant qu'il ne soit contaminé, alors qu'il avait environ 30 ans. Il a perdu sa fille dans ses bras. Ça l'a beaucoup marqué. Une fois la quarantaine passée, il se lance donc dans la contrebande, dans le nouveau monde en fait. D'accord, ouais, c'est ça. Les Lucioles sont un groupe de miliciens qui s'opposent au régime militaire imposé par ceux qui subsistent des forces armées américaines. Joël a une mission, en échange d'armes, livrer un colis aux Lucioles de Salt Lake City. Et ce colis n'est autre que Ellie, car elle a été immunisée suite à une morsure. Et grâce à elle, il pourrait faire des vaccins et sauver limite l'humanité quoi. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire de base. C'est le pitch de départ, ouais. C'est tout le pitch à fait, de ouais. Départ de Last of Us 1. Ouais, ouais. Yago, acte 2, tu montes au dodo. Merci. Ah bah dis donc. Et bah décidément. Ça n'arrête pas. Donc ouais, ça c'est vraiment le pitch de Last of Us 1. Ouais. Je pense que tu veux nous parler de Last of Us 2. Ouais, je pensais peut-être finir un petit peu l'histoire de The Last of Us 1. Oui, tout à fait. Tout ouais, à ouais. Fait. Raconter la fin. Cette histoire de vaccin, en fait. Donc, il arrive à Salt Lake City. Avec Ellie, ouais. Avec Ellie. Et puis, Ellie est prise en charge par le groupe des Lucioles. Ouais. Elle va être préparée à une opération. Alors, elle part avec des Lucioles. Et puis, Joël, il ne comprend pas trop comment ça, une opération. Et puis, commence à gratter. Et on lui explique que, bah, en fait, Ellie, elle a un parasite dans le cerveau. Mmh. Et du coup, pour pouvoir créer un vaccin, eh bah, faut tuer Ellie, en fait. C'est il, faut, bah, il faut lui ouvrir le cerveau pour récupérer, grâce à son cerveau, créer un vaccin, quoi. Et alors ça, Joël, il a déjà perdu sa fille, Sarah. C'est ça, exactement, Sarah, et ouais. Il est hors de question parce que des liens se sont vraiment créés entre eux tout pendant du jeu, ouais. Pendant tout le trajet fort, ouais. de Boston à Salt Lake. C'est vraiment... Au début, limite, il est hautain avec elle, il s'en fout. Mm. Mais plus il se rapproche de Salt Lake, bah, il revoit Sarah, en fait. Il lui apprend des choses comme à sa fille, quoi. Mm-hmm. Et là, il se dit, mais attends, mais ils vont tuer Ellie. Ah, mais c'est même pas sûr, en fait, pour le vaccin. Mais voilà. Et il arrive en furie dans cette salle où elle est anesthésiée. Moi, je partirais sur le principe qu'il y a des grandes chances qu'un vaccin soit créé, quand même, à l'issue de la mort d'Ellie. Ouais. C'est ce que je me suis dit. On n'aura jamais la réponse à ça. On n'aura jamais la réponse, c'est vrai. Mais en tout cas, lui ne peut pas l'accepter. Et toi, tu joues Joël à ce moment-là et t'arrives dans cet hôpital. Alors, tu tues tout le monde, littéralement. Il n'y a pas de quartier. Et puis, t'arrives dans cette salle où Ellie est allongée et complètement anesthésiée. Ouais. Et t'hésites face à un médecin. Médecin qu'on apprendra plus tard qui est un papa très important. Ah oui. Et tu lui tires une balle, mais direct entre les deux yeux, quoi. Ouais, ouais. Tu récupères Ellie. Les infirmières, pareil. Je me pose tout pas de questions, Ellie et je me barre. Et tu te barres, voilà, c'est un peu la course-poursuite. Tu arrives dans le sous-sol. Il y a une dernière luciole, une blague qui est un petit peu là depuis le début. Il y a un truc qui s'appelle Marlène, de souvenir. De souvenir, ouais. Et puis, bah, en fait, tu la tues également et tu t'enfuis avec Ellie. C'est ça. Voilà, ça, c'est la fin du 1. Et on se dit, bon, bah, c'est bon, ils sont sur la bonne voie. Et je vous assure que d'être là, à côté, et d'avoir tout suivi le cheminement et de les voir dans la voiture, on se dit oh, enfin c'est bon, ils sont sauvés, ils vont pouvoir avoir une vie dite normale. Mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va dire à Ellie, quoi? Eh ben on va le savoir juste après, parce qu'en fait Ellie va se réveiller. C'est vrai. Elle comprend pas ce qui se passe. Et elle lui pose une question. Elle lui pose la fameuse question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bon? Elle lui dit est-ce que c'est bon? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est bon, c'est réglé, quoi? Et là, Joël va lui dire que finalement, non, le vaccin n'était pas possible, que dans l'hôpital, ce n'était pas la seule immunisée. C'est ça, il y avait d'autres personnes comme elle. Ce qui est complètement faux. C'est ça. Il invente toute cette histoire. Mais tu vois qu'Ellie a un petit doute quand même. Elle lui dit, t'es sûr? Ouais, ouais, ouais. Tu me promets? Tu me promets. Elle lui demande, tu me promets ce que va faire? Oui. Et il dit oui. Ouais. Et je crois que le jeu se termine exactement à ce moment-là. C'est ça, mais on la voit qui se retourne sur le siège arrière en mode, j'ai un doute, quoi. Ouais, ouais, ouais. On sent qu'elle est. En plus, elle se réveille d'anesthésie, avoir sauvé le monde grâce à elle, en fait. Ouais. Et là, elle se rend compte que, bah, d'après les dires de Joël, il y a d'autres personnes comme elle et ils ont limite, entre guillemets, pas besoin d'elle, quoi. Tout ce qu'elle a vécu, tous les gens qu'elle a tués. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Donc voilà comment se termine le premier. Moi, je te propose qu'on passe, qu'on raconte vite fait l'histoire du The Lost. Voilà, donc 7 ans après. Enfin, pas 7 ans après, mais... les gens ont dû attendre 7 ans pour pouvoir jouer au jeu. Oui, c'est ça. Alors que nous, on a attendu une semaine. C'est trop bien. C'était trop bien. Alors en fait, ça se passe 5 ans après. 5 ans après leur voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par une pandémie, Ellie et Joël ont retrouvé refuge à Jackson dans le Wyoming chez Tommy. Donc Tommy qui est le frère de Joël. Tout à fait. Pour vivre dans une communauté florissante de survivants qui leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés. Ellie a néanmoins découvert la vérité sur ce qu'a fait Joël pour la protéger, et leurs reports sont un petit peu tendus, très conflictuels. Un peu bizarre même, hein. Ça on le sent dès le début. Ouais. Cette dernière ayant beaucoup de mal à le pardonner. Normal. Ayant sympathisé avec deux autres jeunes, JC et Dina, Ellie commence à patrouiller en dehors de Jackson pour sécuriser le périmètre autour de leur communauté. Suite à la rupture amoureuse entre Jesse et Dina, cette dernière et Ellie commencent à beaucoup se rapprocher. Ouais, c'est hyper important. Je pense d'ailleurs que c'est pas le premier jeu qui traite d'ailleurs de relations homosexuelles comme ouais. ça. Alors il y en a eu d'autres, en a mais eu d'autres. Je pense que je sais pas. J'ai Alors, un je doute. Pourrais pas te ouais, dire. Ouais, j'ai un doute, ouais, mais ouais. En tout cas, je sais que ça a fait polémique en fait. Ah ouais, là je remercie encore et félicitations à Naughty Dog qui eux n'en ont absolument rien à foutre. Rien à foutre, vraiment. Et ils sont allés jusqu'au bout, Naughty Dog, franchement. Ouais, ouais. Il est, ça reste un très grand studio. C'est ça. Et ils ont pas froid aux yeux, ils ont pas peur. Et exactement. Ils vont... ouais, ouais. Et tout ce qu'ils ont pu entendre ou quoi, ils en sont rien à foutre et ils ont raison. Parce que vraiment, c'est une très belle histoire et une très belle histoire d'amour entre Dina et ah ouais, ouais. qui était naissante au début. Donc de ils ont des convictions, ils ont pris des risques. Carrément. Je les félicite pour un aussi gros studio comme ça. Ouais, ouais. Je reprends vite fait mon histoire. Non, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Alors que le trio part patrouiller, les deux femmes sont surprises par une tempête de neige et doivent se réfugier dans l'ancien refuge abandonné d'un des leurs nommé Eugène. Ça fait limite début de film d'horreur, tu vois. Ah bah complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elles y découvrent sa plantation secrète de cannabis. Là, ça fait moins un film d'horreur. Et décident de fumer pour passer le temps. Normal. Alors, c'est là que ça arrive. Au même moment, à proximité de leur base, un groupe de survivants dirigé par une femme nommée Abby semble chercher quelqu'un à proximité de Jackson. S'éloignant de son groupe, Abby se retrouve poursuivie par une énorme horde d'infectés et seule l'intervention de Joel et Tommy, qui étaient également eux en patrouille, lui permet d'en réchapper. Elle les ramène à son propre groupe après qu'il lui ait révélé leurs identités. Mais ils comprennent trop tard qu'ils sont tombés dans un piège. Exactement. En fait, Abby recherchait Joel. C'est ça. Voilà. Et il lui est tombé tout cuit dans les mains. Exactement. Et le hasard. Ouais. Et franchement, quand on voit la tête d'Abby quand il lui dit « Je m'appelle Joel », on fait « Oh punaise, ouais, c'est lui ouais. qu'elle cherche, quoi. Ouais. » Mais qui a-t-il pu tuer dans le 1? Alors au début, on ne sait pas trop non, pourquoi c'est il pas... a... Mais après, il a tué tellement... Tu as tué tellement de monde dans oui. le 1. Comment tu te dédouanes? Mais... Ah, ça peut être tellement de... Au début, c'est vrai qu'on ne sait rien. On ça sait peut pas. Être tellement de raisons différentes pour lesquelles il est recherché. Exactement. Mais en tout cas, on se dit, ouais, il est dans la merde. Clairement, ouais. là. Ouais. Donc, en effet, ce groupe est composé d'anciennes lucioles voulant se venger des actions commises par Joël pour protéger Ellie. En particulier Abby, dont on parlait tout à l'heure, dont le père a été tué par Joël. Voilà, c'est là, le comprend... fameux papa dont tu as tiré une balle entre c'est les le deux médecin. Yeux. Voilà, le médecin. Ouais, c'est le médecin. Tommy est assommé et Joël commence à être torturé. Cette scène, honnêtement, elle est horrible. Elle est assez atroce. Ouais, elle est atroce. Elle est pourquoi assez atroce. Eh ben, je crois qu'on peut le dire assez rapidement, mais je pense que les gens qui ont joué s'en rappellent parfaitement. Joël va être tué de façon mais bah, barbare, club, on peut le dire. Au club de golf. Au club je de crois. Golf. Ouais, ouais. Ce qui, à l'origine, ça m'a un petit peu rappelé la scène de Negan dans avec Walking Lucie, Dead ouais, avec Glenn. Ouais, c'est Glenn. Une violence hallucinante. C'est ça. Et tout ça se passe sous les yeux de Ellie. Oui, qui parce est, que Ellie est partie à la recherche de Joel et Tommy, tout voyant à fait, qu'ils ouais. rentraient pas. Et puis elle a suivi les traces dans la neige. Elle est arrivée à cette maison. Enfin, tu es arrivée à cette ouais, maison ouais, parce ouais. que c'est toi qui joues Ellie à ce moment-là. Tu trouves la maison, t'entends les cris au sous-sol, tu descends ce long escalier. C'est ça. Tu ouvres cette porte, on te plaque au sol avec un grand coup de latte. Et tu assistes, mais t'es couché au sol. Je suis immobilisé, ouais. Au sol, et t'as ton visage peut-être à 5 mètres du visage c'est de ça. Joël. Et tu vas assister à la mise à mort de Joël, quoi. Complètement. Ouais. Joël, que j'ai quand même interprété dans le premier jeu pendant 20 heures, c'est une ça. Scène un petit peu compliquée. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête. Je savais qu'il se passait un truc avec Joël parce que je savais en fait qu'on jouait bah ouais, parce Ellie. En plus, à la... donc dans le 1, tu joues Joël. C'est ça. À la fin du 1 et même pendant le 1, par moment, tu joues Ellie. Par moment. C'est possible. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et même à la fin du 1, tu joues Ellie. Je joue déjà à la fin ouais. du 1, t'es sûr de il ça commence déjà à te préparer à jouer à Ellie. Ah oui, il y a peut-être Ellie. Des scènes comme ça, ouais, effectivement. Tu ouais. commences le 2, tu joues Ellie. Ouais. Donc t'as plus la mainmise en tant que. Tu peux plus jouer Joël, quoi. C'est fini. Non, tu c'est ne clair, le joues ouais. plus. Ouais, ouais. Voilà. Donc tu sens qu'il va y avoir un détachement qui va arriver et qui va pas être beau à voir. Mais quoi. Ah non, ça annonce ouais. la couleur dès le début du jeu. C'est ça. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche aussi un petit peu, quoi. Exactement. Donc j'en suis. J'ai quasiment fini ma petite histoire. Mais oui. Suite aux funérailles de Joël, Ellie décide de retrouver ses assassins pour se venger. Ah, la vengeance. Dina choisit de l'accompagner. Tommy est quant à lui déjà parti. Pour mener la quête de vengeance. Il ouais. est parti un petit peu, peut-être en éclaireur ou pour... Ouais, il dit à Ellie, oh, tu peux rester, attends un jour ou deux avant de partir te venger. Ouais. Puis en fait, c'est lui qui part. Ouais, ouais, bah ça reste quand même son frangin. Donc, c'est ça. Ouais, ouais. qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors là... En fait, avant de... Je pense qu'avant de dire là ce que tu as écrit... Justement, c'est pour ça, ouais. Je ouais, pense ouais. qu'il est important de... Donc là, tu vas jouer Ellie. C'est ça. Qui va partir déjà d'une part en vengeance, ouais. en quête de vengeance, pour retrouver les lucioles et retrouver Abby. C'est ça. Pour lui défoncer sa gueule, ouais, clairement. Ouais. Et aussi bah, ramener Tommy, parce que sa compagne, qui est la chef du village, en fait, ouais, elle, ouais. elle dit « Ok, je te laisse partir, je te file des armes, mais par contre, t'as intérêt à me ramener mon mari. » C'est ça. Ouais. Normal. Ouais. Normal. Voilà, donc elle la laisse partir et tout. Donc elle a quand même limite deux missions, en fait, Ellie, quoi. Bon, la mission principale reste de venger. C'est vraiment un jeu de vengeance. C'est ça. Et tu pars avec Dina, vous avancez bien, on peut se balader à chevaux. C'est vraiment... je tiens vraiment à... Tiens, on va faire une petite parenthèse. Vas-y. On va parler des animaux. Ah, tu veux en parler maintenant? Bah, je pense que c'est pas trop mal ou tu... Non, tu peux en parler maintenant. On va en parler un petit peu maintenant. Non, on parlera après. T'as raison, on va finir l'histoire. Ouais. Ouais, on va finir l'histoire. Parce qu'il faut aussi préciser que pendant... Je pense que c'est un bon tiers du jeu. On ne jouera pas Ellie, mais on va jouer Abby. Alors nous, on a été... mais choqués, quoi. Bah, choqués, j'avais pas envie de jouer cette nana. En plus, tu la joues, je pense... tu sais, juste avant de trouver Joël, tu la joues un petit peu dans la neige. Tu dois te battre contre des monstres et tout. T'es là, oh, putain, ça me saoule de jouer à Abby. On la joue au moment où Joël la retrouve avec Tommy. Ouais, pour la sauver. On la joue, on sait pas qui c'est. On sait qu'elle recherche quelqu'un. On sait pas qui c'est non plus. Voilà. Et tu joues cette meuf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu dis, ah bon, ok, bon, je joue cette meuf, et là... Pourquoi pas. Bon, c'est un... J'accepte, mais ok. Quand tu découvres qui c'est, je me souviens, limite, t'avais envie de jeter la manette, faire non, c'est bon, ça me saoule, quoi. Puis au final... C'est une réaction. Mais je pense que c'est le genre de réaction qu'ils ont recherché aussi. Ils ont prévu ça, ils voulaient bien ça. Sûr, ouais. Ouais, ils voulaient que t'étais tellement attaché à Ellie, en fait. Il était hors de question que tu joues le camp adverse, quoi. Ouais, ouais, complètement. En plus, ils ont tué Joël, quoi. D'où tu jouerais cette meuf qui a achevé Joël à coup de club de golf, quoi. Mais je me suis dit, je leur fais confiance. C'est Naughty Dog. S'ils me font faire ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est ça. Bénéfice du doute. Je vais jouer, je vais voir ce qu'on me raconte comme histoire. Voir où est-ce qu'il m'emmène, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ouais. Ça. Et au final. T'as joué à Abby, mais je dirais bien 15 heures en fait. Moi j'estime ça à un tiers du jeu. Ouais, une bonne dizaine d'heures en fait. Ouais. Ça se délimite par chapitre. Et on apprend qui est Abby, on découvre son enfance avec son papa, on la découvre en fait. Complètement, on découvre cette femme meurtrie par la perte de ses proches, ouais. Hyper militaire, voilà. Hyper musclée, ça faut le rappeler. Très très musclée. Elle va à la salle de sport, tous les jours. À un moment, il faut arrêter quoi. Mais c'est une sacrée nana. Avec un sacré caractère et qui est amoureuse depuis... Enfin, elle était amoureuse... Enfin, Owen a toujours été amoureux d'elle. Ouais. Mais elle, voilà, elle est plus... voilà, elle est en quête, elle aussi, d'une vengeance. Mmh. On a tué son père quand elle était du même âge qu'Ellie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et elle recherche cette personne qui a tué son père, en fait, quoi. Donc, limite, on s'attache à elle par rapport à cette vengeance jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, c'est Joël qui a tué son propre père, quoi. C'est très compliqué très. De prendre un parti pour les deux. C'est pour ça que moi, j'ai décidé au bout d'un moment de ne pas prendre parti, mais prendre en même temps parti pour les deux. C'est-à-dire que je comprends... Je vois ce que tu veux dire. Je comprends Ellie, mais je comprends Abby. Et le truc, c'est que je savais qu'il faudra faire un choix à la fin. Ça ne m'enchantait pas tant que ça. La scène du théâtre, tu penses à celle-là ? La scène du théâtre, ouais. Elle est très, très compliquée. T'as eu du mal, hein. Bah après c'est on spoil, si je peux... C'est comme si tu te battais contre toi-même, en fait, d'une certaine manière, quoi. Alors, toute la partie avec Abby, on va finir par arriver au théâtre, là où se planque Ellie. C'est ça. Et Tommy, parce qu'elle a récupéré Tommy. Et il y a Tommy qui est là aussi. Ouais, ouais, ouais. Et on va finir par... Alors déjà, c'est hyper déstabilisant C'est une sorte de scène de combat qui se passe dans un... Et on arrive justement en tant qu'Abby, et puis elle cherche Owen, justement, parce qu'il est soupçonné de traîtrise. C'est ça, ouais. C'est ça, et elle arrive... donc, en fait, il est soupçonné très triste d'avoir tué un allié pour sauver donc un Séraphite, qui est encore un autre groupe. Une sorte de secte, en fait, les Séraphites. Voilà, ouais. Il y a plusieurs groupes dans The Last of Us 2. C'est ça, elle va le chercher, elle le retrouve à l'aquarium. Ouais. Mais en fait, elle le retrouve mort. Oui. Elle découvre la femme d'Owen qui est enceinte, elle la retrouve morte également. C'est ça. Ça, c'est Ellie qui est passée juste avant, donc toi... En sachant qu'on a joué cette scène. Voilà, c'est ouais, ça, et t'as tué tout le monde. Ouais. Et elle va chercher Ellie au théâtre, quoi. Et il y a cette grande scène du théâtre, ton face-à-face, en fait, j'ai l'impression, avec tes deux joueuses, quoi. Donc on joue à Abby. C'est ça. Et c'est une scène intéressante, parce que c'est une sorte de scène de cache-cache, je sais pas si tu t'en rappelles, si, quoi, où on doit se planquer pour la surprendre par derrière. Et finalement, Abby, celle qu'on joue, va finir par avoir le dessus sur Ellie. C'est vrai. Mais on va l'épargner. Elle prend la décision d'épargner Ellie. Et on va finir par partir. C'est ça, c'est ça. Il y a eu des scènes... ça, c'est la grande histoire, en fait. Hein. Ouais, on a résumé. Alors, c'est très compliqué de résumer toute cette histoire, mais on était un peu aidé par les notes. Déjà, c'est compliqué de ne pas mélanger le 1 et le 2, vu que nous, on l'a fait... Limite à la suite, en fait. Vraiment à la suite, quoi. Ouais, ouais. Et il y a pas mal de flashbacks dans les deux jeux qui nous ramènent des fois un an, deux semaines avant, quatre ans avant. Donc, toute l'histoire se mélange, mais toute l'histoire finit par s'imbriquer c'est au final. C'est un énorme puzzle, en fait, qui arrive à reprendre complètement toute sa chronologie, en fait, entre l'enfance des filles, le fait qu'elles grandissent. Ouais. Et donc, du coup, Abby épargne Ellie. C'est ça. Ellie, elle, repart rejoindre Dina. Elle repart avec Dina et je pense que là il se passe un petit moment de battement. Oui, parce qu'elle s'installe dans une maison. À Santa Barbara, je crois. Voilà, ouais. Avec bah, Dina a eu son bébé, elle était enceinte de Jessie. C'est donc ça. Elle a son bébé, donc elles sont toutes les trois avec, le petit à la campagne. Oui, en là. Ayant décidé d'avoir une vie paisible et de passer à autre chose. D'arrêter avec tout ça, quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Et puis un jour, Tommy arrive. C'est ça. Et Tommy lui dit on a eu l'écho de quelqu'un. Ils ont repéré une nana très musclée au large de Santa Barbara sur un bateau. C'est ça. Et là, t'as Ellie qui dit « Ouais, mais c'est bon, ça m'intéresse plus. Je passe à autre chose. » Ouais, ouais, ouais. Tu parles, 24 heures après, elle est sur son cheval et direction Santa Barbara. Elle décide de tout quitter. Ouais, du jour au lendemain, elle quitte sa femme et son bébé adoptif. Ouais. Et Dina lui a dit « Si tu t'en vas, on ne sera pas là à ton retour. Hein. » Ce qui est normal. Voilà. Ouais, ouais. Ce qui est et normal. Donc, du coup, Ellie repart en quête de vengeance. Elle lâche pas l'affaire, elle se vengera de... Alors c'est quelque chose qui la ronge tout au long de ce jeu, elle peut pas passer à autre chose, c'est non. pas possible, c'est plus fort qu'elle. C'est ça. Elle pourra pas vivre sa vie pleinement sans avoir tué Abby tout simplement quoi. Bah c'est ça quoi, elle a fait une promesse et puis elle veut tuer la personne qui a achevé Joël quoi. Ouais. Ok. Et du coup elle se retrouve sur la plage, la grande scène de la plage. Je crois que c'est là où il y a les Séraphites d'ailleurs. Alors là, c'est pas plus les Séraphites, ce sont les Crotales. Voilà, c'est les encore Crotales, une autre faction. Voilà, c'est une autre faction. Crotales, on pourrait les. Alors eux, c'est pas des gentils du tout. Moi, je les compare un petit peu à tout le groupe de Negan dans Walking Dead. Ouais, ils c'est ont ça. Des mauvaises intentions, ils veulent le bien de personne. Et donc voilà. Et donc Abby va se faire kidnapper par les. Par les Crotales. Par les Crotales. Voilà, et Ellie va la retrouver attachée à un pylône sur la plage. Cette scène est horrible. Elle la décroche. Ouais. Et elles se battent. En sachant qu'Abby est complètement... Elle est exténuée, en fait. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est sur cette... Sur ce pylône. Tu vois qu'elle a maigri, elle est plus du tout musclée comme clair, avant, quoi. Ouais, c'est ouais. clair. Et elles se battent... Y a la mer juste à côté, donc elles se battent dans l'eau. Ouais. Ellie est sur le point de la noyer. Et puis, au final... Elle l'épargne. C'est quand même... C'est très très fort niveau sentiment. On ressent... quand on est de l'autre côté, quand on n'a pas la manette, c'est tu sens toute cette colère, toute cette haine et au-delà de la vengeance. C'est pas il y a le pardon, c'est quoi vis avec ça, quoi. Ouais. Vis avec ça, ça a l'air plus difficile que te tuer, quoi. C'était compliqué pour moi de jouer les deux côtés. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, au début, jouer Abby, j'avais beaucoup de mal. Et au fur et à mesure que je jouais Abby avec les flashbacks, l'histoire qui était racontée, je commençais presque à prendre plus parti pour Abby que pour Ellie, finalement. Quoi. C'est vrai, à la fin, ouais, moi, j'étais attachée aux deux. Et tu vois, maintenant qu'on a fait un peu le point sur les deux histoires, j'aimerais revenir sur un point important. En fait, quand tu as commencé Last of Us, le 1, tu avais mis un niveau de difficulté. Tu as plusieurs niveaux, en fait, dans tous les jeux. Ouais, ouais. Et t'avais mis normal, je crois. Non, t'étais en normal. J'étais en normal, ouais. Ouais, ouais. T'avais mis le niveau difficile. Mais ça s'appelle pas difficile, c'est un nom bien spécifique. Ouais, je sais plus le terme exactement. Quoi. Et donc t'étais au niveau au-dessus de normal. Et entre les claqueurs, les infectés et tout, on a été tous les deux hyper stressés pendant une heure de jeu ou deux heures de jeu. Il y a certains passages qui me stressaient particulièrement. Voilà, on mettait en place carrément des tactiques pour pouvoir avancer avec Joël et tout. Et puis tu m'as dit, moi, c'est pas comme ça que je voyais Last of Us. Et du coup, on est parti promener les chiens, on en a parlé et tout. Et tu me dis, je voyais pas le jeu comme ça. Je vais peut-être changer la difficulté du jeu, pas parce que c'est dur, mais parce que j'ai envie de vivre ça comme une histoire, quoi. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends, j'ai pas envie d'être pénalisée, en fait, quoi. Et c'est vrai que ça a été plus agréable même à regarder, en fait. Ouais, je voulais voir ça comme une sorte de film ou une très bonne série télé, plutôt j'en étais rendu à un point où je recommençais les scènes avec des... C'était tout le temps des claqueurs, mais plusieurs fois, et ça me convenait pas, en fait, ça me cassait dans le rythme de l'histoire. Et je me suis dit, bon, tant pis, baisse un peu la difficulté. Tu voulais être focal sur l'histoire. Voilà, quoi. C'est ça, quoi. Ouais. Ouais. Et ça a été... je trouve que c'est bien, justement. Ça a fluidifié un petit peu toute l'histoire et le jeu. Oui, moi, je trouve. J'aime pas baisser une difficulté quand je joue un jeu, mais écoute, pour l'occasion... Non, mais c'était bien. Ouais. En même temps, si tu veux aussi pouvoir profiter de l'histoire, des choix qui s'offrent à toi, c'est quand même bien de pouvoir en profiter, quoi. Oui, complètement, ouais. Carrément. C'est marrant, quand je jouais, c'est la première fois que je suis aussi impliqué dans l'histoire en fait d'un jeu. C'est vrai. C'est con, mais il y a pas mal d'autres jeux. C'est vrai que c'est bête, mais j'ai tendance des fois à passer les cinématiques. Oui. Parce oui, que oui, des fois, ça m'intéresse pas trop l'histoire. C'est plutôt ouais, le gameplay qui va m'intéresser. Il y a encore un PNJ qui parle, c'est bon. Quand, voilà, exactement. Quoi. Quand je vais avoir des notes à lire, généralement, je les lis oui, jamais. Oui, encore un mot, c'est bien. Ouais, ouais c'est un ça. Dessin, ouais. Ouais, ce qui très souvent n'apporte pas énormément de choses à l'histoire. C'est vrai. Et là, c'est la première fois que la moindre note que je trouvais, la lettre, je la lisais en entier. Ouais, surtout qu'en plus, il y a des indications pour ouvrir des coffres. Alors ça, ça arrive. Ouais, ouais. Ça se passe des fois dans des appartements, dans des machins, mais c'est marrant, le moindre appartement où je passais, ouais, dans des immeubles, je lisais les notes et ça me donnait une indication sur l'histoire qui s'était passée, sur la famille qui vivait dedans, c'est comment vrai, ils étaient partis. C'est vrai. Des fois, c'est le père qui était parti plus tôt. Enfin, plein d'histoires différentes et ça donne une crédibilité à tout le jeu, en fait. Quoi. Tu as l'impression tout que ce fait, monde existe et qu'il est vrai et que la vie s'est passée à ce moment-là, quelques années plus tôt, quoi. C'est vrai, en plus, on a une Ellie qui, elle, n'a pas du tout connu notre monde. Et elle le dit souvent, « Oh, mais votre monde à vous, il était facile. Vous pouviez faire tout ce que vous voulez. » Elle vit ça par procuration, des ouais, tirs qu'on lui raconte, en fait. Carrément. Quoi, avec la musique, les... Bah, tout, en fait. Les films, je sais qu'elle regarde des films avec Joël. Elle en ouais, parle des fois, ouais. Elle dit, « Oh, votre monde à vous, il était facile. Vous n'aviez ouais, pas à vous prendre la tête. » Et c'est vrai que... Dans cette période même là, un petit peu de pandémie ou qui est un peu anxiogène, on a envie de on se prend la tête, on se pose pas mal de questions et c'est vrai qu'on oublie quand même qu'on est chanceux. Tu vois, ah bah on oui, est chanceux. Quand tu joues à Last of Us, oui, oui, tu m'étonnes, oui. Voilà, on n'est pas encore à ce stade-là de la pandémie quoi, avec désinfecté partout. Pas encore, attention. Pas encore, pas encore. Non, il y a peu de chances que ça se passe comme ça normalement. Ouais, et c'est vrai que c'est impressionnant quoi, le jeu, il est vraiment magnifiquement fait, il est. Alors même niveau graphisme, pardon, ah ouais, il est incroyable, enfin, c'est magnifique, ouais, les cinématiques sont folles. Les cheveux qui volent au vent, c'est magnifique. Quoi. Même au niveau des visages et tout ça, quoi, c'est ouais, la première fois que je ressens des... Bon, ça a souvent été dit dans des émissions, quoi, que tu ressens les émissions par le regard. Les yeux sont tellement faits. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la scène de la fin du 1, ouais, quand Abby demande confirmation à Joël de lui c'est dire la regard, vérité. Ouais. Et je sais qu'elle va dire « oui, je te crois ». Et tu vois dans le regard... Qu'elle y croit pas du tout, ouais. Alors t'imagines la technique 3D pour que, même juste dans le regard... Elle y croit pas, ouais. C'est fou. Enfin, techniquement, c'est cinglé. Moi, je me rappelle de vieux jeux, genre... je repensais à Mafia 1 sur PC il y a des années où les yeux, ils partaient dans tous les sens. Oui, ouais, t'en as un qui regarde d'un côté et t'as l'autre œil qui part de l'autre. Il y a une ouais, sorte de reptilien, c'est, enfin, c'est horrible, quoi. Mais là, c'est trop bien fait, c'est génial. Ouais, tout à l'heure, quand on était en train de parler des histoires, je voulais parler, en fait, des animaux, hein. L'importance des animaux dans Last of Us. Ça te tient à cœur. Ah, complètement, complètement. Ouais. Déjà, je me souviens du moment, la première fois où t'as fait les chevaux, t'as fait « On va avoir un cheval ?» Non. Ben oui, ça me rappelle quand Red Dead 2. Quand Joël... Ah ben oui, Red Dead. Ben, ouais, ben oui, évidemment. Direct. Quand Joël, il retrouve Tommy, tu sais, à la centrale. Oui, complètement, ouais. Et ouais, après, il part avec un cheval et t'étais là « Non, je vais faire du cheval. » Et si, oui. Oh, c'est mon petit ah, truc. C'était trop bien. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que le cheval, il était super bien fait. Ouais. Les animaux sont super bien faits et ils arrivent en ville avec Ellie et en fait le zoo est ouvert et donc oui, ils se retrouvent dans les étages mais nez à nez avec une girafe. Ah quoi, cette scène de contemplation oh magique avec oh la là musique. Là, mais c'est tu sais que ça m'a énormément fait penser à Jurassic Park hein, avec le Diplodocus quand... Ah oui, parce que je crois que la girafe approche sa tête et qu'on oui, va la, on va il la caresser. Lui donne, voilà, il lui donne à manger dans Jurassic Park et là, elle la caresse dans Alors, dans je la pense Star que Wars c'est 1. Complètement voulu. Mais bien sûr. Parce qu'il va y avoir une référence à Jurassic Park dans le deuxième. Et dans on en parlera le 2. Un petit peu plus tard. Exactement, ouais, ouais, exactement. Et c'est vrai que les animaux ont un rôle hyper important. Par exemple, les chiens. Ah, ça, c'est moins rigolo. Ça, oui, c'est moins rigolo, mais les chiens, dans le groupe où vit Abby, oui, les chiens ont un rôle... vraiment familier comme nous on peut les connaître mais aussi de chasseurs ouais, ouais, domestiques et chasseurs ouais, et c'est vrai qu'on on s'attache au chien de Abby et en fait on découvre que ce chien là il est mort par Ellie et Julien a dû tuer des chiens On a dû tuer des chiens. Non, tu as tué des chiens. On a dû tous les deux. Tu as tué des chiens. Moi, j'avais pas la manette. Alors, ce qui est horrible, c'est que t'as très souvent pas le choix de les tuer, en fait. C'est vrai. Souvent, tu devais te cacher dans des broussailles et t'avais des équipes qui venaient. Il y a des patrouilles, en fait. Et faut savoir que le chien est un des seuls personnages du jeu qui a son flair et qui peut te repérer de loin. C'est ça. Donc, quand il te repère, t'es obligé de. En plus, la scène de la mise à mort du chien est atroce. Horrible, c'est horrible. Et en plus, il y avait souvent Yago ou Dem avec nous sur le lit. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Et juste à ce petit bruit, t'as Yago, il lève la tête et puis il nous regarde genre « T'as tué un chiot ?» Mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'est horrible, c'est horrible. Alors c'est... En général, j'aime pas qu'on touche aux chiens dans les films, par exemple. J'ai un peu comme John Wick. On peut tuer tous les humains qu'on veut, ça me dérange pas, mais quand il y a un chien qui meurt, ça me dérange. Et eux le savaient très bien quand ils ont fait le jeu. C'est ça. Ce qui renforce le fait que tu commences à avoir du mal un petit peu avec Ellie. Voilà. Parce que qui, elle tue les animaux sans. Parce que au contraire, elle s'en fout, elle a pas le choix, disons, dans sa quête de vengeance, elle est obligée de passer par là. C'est ça. Mais à l'inverse, il y a énormément de scènes avec Abby où, au contraire, tu vas te balader avec les chiens et tu vas même jouer avec les chiens. Oui, c'est vrai que tu as même lancé la balle à ce petit chien. J'ai lancé la balle, j'ai lancé une sorte de pouic-pouic. méduse dans l'aquarium. C'est vrai. C'est marrant parce que mon chien a exactement le même et le pouic-pouic qui fait exactement le même bruit. C'était formidable. C'était très discret pendant qu'il faisait la sieste. Donc, ouais. C'est vrai que les animaux ont un rôle important, quoi. Après, quand je vois l'aquarium, on a vraiment des lieux comme ça très, très, très importants où les animaux sont mis en avant. Ouais. Et pas que les animaux, d'ailleurs, il y a aussi les dinosaures. Ah oui, dans alors le ça 2. C'est une scène marquante que tout le monde, évidemment, vous vous rappelez. Évidemment, on a encore regardé la scène vendredi. Bah, Elle est magnifique, cette alors, scène. Est-ce que tu veux raconter un petit peu ce qui se passe à ce moment-là? Donc, en fait, c'est pour l'anniversaire de Ellie. T'as Joël qui lui prévoit une petite surprise. Donc, il l'emmène au musée. Donc, il se balade dans tout le musée avec un super chapeau. Il lui dit, comme un célèbre acteur dans un des vieux films. Petit clin d'œil à Indiana Jones. Oui. Et puis il se balade dans le musée, donc il parle des dinosaures et d'un T-Rex et il fait des petites allusions justement à Jurassic Park. Ouais, complètement. Ah, c'était génial. Et là il se retourne. Enfin, non, il parle des dinosaures et d'un seul coup t'as Ellie qui lève les yeux et elle voit tout le côté planétarium en fait du. Ouais, voilà ça, tout le côté espace. De l'autre partie du musée. Donc du coup il se balade dans le planétarium. Il voit les planètes, tout ça, elle en connaît un rayon, parce que même si c'est pas de son époque, le voyage dans l'espace, elle sait quel animal est parti en premier dans l'espace. Ah, c'est là qu'on apprend qu'elle est très instruite et qu'elle lit énormément, qu'elle se renseigne beaucoup sur le monde d'avant, c'est triste à dire, mais sur le... Voilà, alors elle lui dit, tu sais quel est le premier animal qui est parti dans l'espace? Alors Joël lui fait, c'est un chien. Il fait, non, c'est des mouches. Ah oui. Voilà, c'est des mouches. Mais elle en sait plus que Joël. Elle en sait tout plus ça, que Joël. Voilà, elle sait que le premier homme dans l'espace, c'est Gargarine, mais elle sait pas comment ça se dit, mais elle l'a lu, donc c'est génial. Et puis elle parle de tout le système solaire, et d'un seul coup, elle lève les yeux, et là, elle voit l'habitacle. L'habitacle. Elle voit l'habitacle. Et elle de dit, Apollo 11, si je me trompe pas. Je crois, C'est ça. Et du coup, elle peut l'ouvrir et tout, et ta Joël lui dit, elle veut rentrer dedans, et ta Joël lui fait pop, pop, pop. Pas de voyage dans l'espace sans casque. Et je me souviendrai de cette scène-là où c'est toi, du coup, qui peux choisir le casque pour aller c'est dans l'espace. C'est génial. C'est génial. Et c'est là que tu vois que Joël avait tout prévu parce que c'est exactement là qu'il voulait nous emmener. Ouais. Donc là, cette scène incroyable où on rentre dans l'habitacle, on ferme la porte, Ellie met son casque. Et là, t'as Joël qui se tourne vers Ellie avec une cassette audio. C'est vrai. En lui disant, tiens, bon anniversaire. Et là, elle sort son post-auto radio parce qu'elle a traficoté. Elle a un Walkman, elle a traficoté un post-auto pour avoir un Walkman. Et elle se met les écouteurs. Et dans les oreilles, elle a le droit. Au lancement d'Apollo 11, en fait, quoi. C'est ça. C'est ça. Et elle ferme les yeux et elle pense à ça, quoi. Et on est avec elle et on vit ça avec elle, quoi. C'est ça. C'est juste un moment. On a vraiment des moments clés dans Last of Us, que ce soit le 1 ou le 2. Le 1, moi, je trouve ce moment avec les animaux qui sont libres du zoo. La girafe. Avec la girafe. Les gens en parlent souvent. Je pense que les deux scènes-là vont rester... Voilà. Et dans le 2, t'as la scène vraiment avec le musée, les dinosaures et l'espace. Moi, je sais que c'est des scènes que régulièrement, je regarderai dans le futur c'est sur YouTube. C'est limite apaisant, moi, je trouve. Je les regarderai et... voilà, quoi. Ouais. Alors là, on parle de tous les... les animaux. Tous les animaux, moi, les trucs à... parler des petits oiseaux et tout ça. Un petit peu près cool. Oui, il y a des petits oiseaux, évidemment. Oui, des petits lapins aussi. Des petits mais il y a aussi pas mal de scènes de survival horror un petit peu flippantes. C'est ça. On parlait de scène marquante, il y a un moment dans The Last of Us 2 qui se passe dans un immeuble avec Abby, je crois, où on est en train de se balader avec une séraphite, un jeune homme qui fait partie de la secte. Oui. Et on va devoir escalader tous les étages un par un. Et c'est... Ah, bah c'est le petit garçon qui va rester avec elle après jusqu'à la fin du 2, qui sera aussi sur les pylônes sur la plage. Exactement. Ah, t'es sûr qu'il est là ? Ah, oui, il va perdre sa sœur. Ouais, ouais, ouais. Et il va rester avec Abby. Abby va le garder. C'est celui qui l'emmène sur l'immeuble en hauteur, là où elle a le vertige. C'est ça, exactement. Quoi. Ouais, je vois cette scène. Ouais, ouais. Alors, c'est marrant, ça fait pas longtemps que j'ai fini les deux jeux, mais je crois que j'ai tellement joué. Attends, je me faisais des séances de 8 heures par jour. Facile, des fois. Par nuit. Et du coup, avec le recul, je confonds un petit peu pas mal d'événements et pas mal de personnages. Mais oui, cette scène de l'immeuble est horrible. Alors, dans le 2, il y a quelques zombies. Enfin, c'est pas des zombies, c'est des infectés en plus. Il y a les claqueurs. Les claqueurs, on le rappelle, c'est des sortes d'infectés qui ne nous voient pas. On peut se balader autour d'eux. Mais doucement. Tu peux pas courir ou marcher doucement. Vite. Ouais, faut, ouais. Voilà, faut être tactique. Et il y a un niveau au-dessus encore. Alors, oui, il y a un nouvel infecté qui apparaît, qu'on voit pas énormément, mais quand on les voit... Le gros, là, qui balance des sortes boules, de bombes. Ouais, ouais. Ah, il est horrible, celui-là. On le voit, dans le 1, on l'avait déjà, celui-là, quoi. On l'avait déjà. Non, non, c'est un autre qui s'appelle, je crois, le Stalker. Oui, le stalker. Qui est un infecté, tu sais, qui rampe comme ça. Que... Ah oui, je vois. Ah. Qui rampe et qui passe très vite des fois derrière les portes, ça fait très film d'horreur. Ah, il est horrible celui-là. Le nombre de fois qu'on a sursauté à cause de lui, là. Ah bah, c'est horrible. Complètement voulu, quoi. Ouais. Et alors, il me semble que c'est le seul infecté, enfin, le seul personnage, en fait, en gros, qui peut pas se voir avec la. Tu sais, l'écoute, en fait, ouais. Quoi. Ouais, exact, ouais. Exact. Réexpliquer l'écoute, si vous avez fait le jeu, vous voyez ce que c'est. C'est le fait de se concentrer pour voir un petit peu où les personnages ou les zombies se situent dans un environnement, en fait, dans un immeuble ou autre, pour pouvoir préparer son attaque. C'est vrai. Mais en fait, tu construis en fait toutes tes armes en fait dans Last of Us. Alors comme dans le 1, ouais, c'est ça. C'est ça, tu craftes beaucoup. T'as un principe de crafting où tu vas, ça s'appelle looter dans les jeux vidéo, récupérer pas mal de... Bah, tu vois, par exemple, du métal, de l'alcool. Voilà, c'est ça, quoi. Des pièces aussi pour pouvoir et améliorer tes armes et fabriquer soit des... par exemple, des surins. Des surins, c'est ce qui te permet, dans du combat corps à corps, de... De venir par derrière. Voilà, de finir le combat très rapidement. Ouais. Donc, tu dois les fabriquer. Mais tu peux aussi fabriquer des bombes, par exemple, des bombes de proximité. Tu les aimes bien, ces petites bombes explosives. Ah, t'aimes bien tes petites bombes. T'aimes bien tes petites bombes. Il fait deux vieux, tu sais, qui parlent de jeux vidéo là. Ah, t'es alors bien, je regrette t'es un peu, je t'en parlais, tu sais, l'autre fois quand je jouais, c'est vraiment déjà à la fin du 1 que j'ai capté l'utilité. Vraiment capté l'utilité de cette bombe. Ouais. Alors de la bombe et même de prendre conscience de tout ton environnement et avant de commencer ton attaque ou avant de commencer ton attaque quoi. Vraiment préparer un petit peu tout ce que tu vas faire, quoi. Je vois ce que tu veux dire, peut-être. Mais en fait, je pense que le fait d'avoir commencé le 1 à un certain niveau et d'avoir changé pour pouvoir profiter de l'histoire au milieu, ouais. Je pense que ça t'a fait perdre du temps. Parce qu'en fait, t'étais pas trop concentré sur ton craft, sur ton environnement, et du coup, t'as perdu vachement de temps. C'est possible, faudrait peut-être le refaire, en fait. Ah, est-ce que c'est un jeu que je referai un jour? D'habitude, je ne refais jamais les jeux auxquels je joue. Ouais. Mais The Last of Us 1 et 2, je pense que... Alors, je vais attendre un petit peu... Ouais, d'ici 5-6 ouais, ans, je peut-être. Pense, ouais. C'est ça, quoi. En plus, maintenant, il y a les deux, quoi. C'est ça. Dans 5-6 ans, ouais. Pourquoi pas. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très violent. C'est vrai que niveau violence, on vous parle de assez vengeance... Ouf, ouais. D'animaux, de trucs mignons, mais c'est vrai que niveau violence, on atteint des sommets quand même. C'est très visuel, on va dire. Ah ouais. Très visuel. Il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites à propos du jeu que je peux entendre, que je peux comprendre. Moi, je suis un peu habitué, on regarde énormément de films d'horreur, on l'a déjà dit. Moi, ça me dérange pas trop, je suis pas hyper sensible à ça. Ouais, mais violence même. Je te dis, moi, quand. Alors, déjà, quand le corps. Alors, tu poses tes bombes, le corps il explose, alors t'as le bruit. Oui, et t'as le visuel, bon ça va. Mais je te dis, moi c'est plus au niveau des les chiens, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est pas light. Tu vois, c'est vraiment on pourrait s'imaginer elle va mettre juste un petit coup un coup de surin dans la gorge. Ouais, c'est ça, ouais. Non, là c'est carrément à la machette, elle y va et puis on assiste à toute la scène, tu dis waouh, quand même c'est t'as un les peu... sons, c'est très visuel. En gros, toutes les mises à mort dans le jeu, les mises à mort, c'est souvent quand on fait du corps à corps et qu'on finit par faire une sorte de comment ça s'appelle un coup fatal en fait. Ouais, c'est ça, ouais. ils mettent en place une sorte de petite vidéo où tu vas vraiment voir la, la mise à mort, en fait, qui est horrible. Ouais, oui. Donc, je peux entendre cette histoire de violence à des gens qui sont un petit peu sensibles. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais eux se sont défendus un petit peu en disant que ça faisait réellement partie de toute l'histoire et partie de... Je sais pas comment expliquer... que ça servait un petit peu le scénario. Bah, ça après, sert... je sais pas. Moi, je pense que oui, parce que... la vengeance... Enfin, après, c'est vrai qu'on associe souvent la vengeance à la violence. C'est ça. C'est, elles vont ensemble. On a le même débat dans le cinéma, donc. Voilà, c'est le même débat dans le cinéma. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé... Alors, oui, il y a la vengeance. Oui, il y a la violence. Mais par contre, les deux, elles s'épargnent. C'est bien comme quoi on pourrait encore revenir à ce fameux débat de la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort parce que c'est trop facile... Ouais, de tuer quelqu'un. Et on en revient. J'ai l'impression que indirectement on revient un peu à ce débat-là, tu vois. Le fait qu'elles s'épargnent l'un l'autre, c'est bah, tu sais quoi, tu dois vivre avec ce que t'as fait plutôt que de mourir en fait et d'y échapper. Et regarde, la punition d'Eli, elle revient dans la maison à la fin du 2. Oui. Elle est seule. Diane est partie. Son fils adoptif aussi. Elle se retrouve toute seule. Il lui manque deux doigts d'ailleurs. Et il lui manque deux doigts. Donc pour jouer à la guitare que lui a appris Joël, c'est très compliqué. Alors c'est une scène un peu bizarre parce que justement on prend on prend la guitare en fait pour jouer. Jouer une dernière fois la fameuse chanson de Joël. La fameuse chanson, et on est incapable de la jouer. Alors faut savoir que si vous avez joué, vous savez très bien que quand on prend la guitare, on peut jouer sur la manette. Oui, on peut jouer sur la manette. Ouais, c'est vrai. Il y a tout un système en fait où t'as juste à passer tes doigts. Alors on passe les doigts et avec le pad en fait on va prendre la note qu'on nous indique. C'est pour cool. Pouvoir faire le morceau. Ah, c'est cool ça. C'est très cool. Ouais, c'était cool. Moi qui fais un petit peu de guitare, ça m'a fait marrer de passer mes doigts comme ça sur la manette. Tu sais que ça m'a donné envie de faire de la guitare. En fait. Ah. Ouais. Peut-être. Je te tâne depuis des années, mais c'est The Last of Us 2 qui t'a donné envie de faire de la guitare. Bah, et ouais. C'est génial. Peut-être. Super. Tu préfères Joël à moi. Mais non. Bah si. Mais non. Et tu vois, je pense que ouais, dans il y a de la violence, il y a de la vengeance, et au-delà de ça, ben t'es mis en face de ta rédemption, de ce que t'as fait, de tes choix. Ouais. Tu vois, elle a fait le choix de se venger, mais maintenant elle est seule. Quand tu réfléchis, c'est pas très compliqué l'histoire de The Last of Us. Hein. Non. On est sur un scénario très simple, hein. C'est du John Wick. Puis la vengeance, ça fait partie. Maintenant, on le retrouve un peu partout, hein, donc. Ouais. Non, c'est très bien traité. C'est l'histoire d'amour entre Diane et Ellie. Entre Dina, pardon. Dina, ouais. Dina et Ellie est vraiment bien tournée. Ça fait... Et le choix de Ellie de se venger plutôt que de favoriser son couple, c'est un choix qui lui appartient. Après, je ne remets pas en cause ses choix. Et le fait qu'elle se retrouve seule, je pense que c'est aussi sa punition, quoi. Elle savait. Elle a fait son choix. Son choix. On la voit partir, je pense qu'elle est en paix avec elle-même, enfin. Tout comme Abby, je pense ouais, que je le fait que... Quand Abby a pris la décision d'épargner Ellie, c'est... Voilà. Pour le fait de... Bah voilà, tu vas devoir vivre avec ça, quoi. C'est ça. Elles se sont bien assez abîmées l'une et l'autre, elles ont assez souffert, maintenant... Bon, je pense qu'on a oublié pas mal de scènes, parce que le jeu est vaste. Est-ce qu'on a dit combien il durait, les jeux, un petit peu Bah moi, je pense que je l'avais dit au début, mais moi, je t'ai observé pendant, je crois, 45 heures de jeu. Ah ouais, 45 heures. Ouais. C'est des jeux très longs. Ouais. Et je sais que le matin, on se levait, je te disais, après le café, après les chiens, je te dis, t'as pas envie de jouer, là? Ah, Bibou, tu joues? Tu peux dire que tu peux me forcer à jouer. Oui, genre, je t'ai forcé, quoi. Ouh là là, le pauvre Bibou. Quelle vie, mais vous vous rendez compte, là, de ma... Oh là là, boîte à bière, il va jouer aux jeux vidéo. Ouais. Oh là là. Mange ton petit croc. Oh là là, mange ton croc. Mange ton croc et boîte à bière. Et ouais, c'est un jeu qui va me marquer, qui m'a marqué, ouais. Que je vais garder avec moi très longtemps. Je sais que j'ai eu un petit coup de blues le soir de quand j'ai fini The Last of Us 2. Ouais, on a regardé tout le crédit en tout fait. Tout le générique. Ouais, on a regardé tout le générique de fin. On s'est regardé comme deux cons, genre putain c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Quoi. Cette aventure est terminée. Non. Alors j'avais une petite pensée pour ceux qui ont dû attendre déjà 7 ans avant de ça devait être horrible. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Ouais, je t'ai dit ça, ouais. Parce que je t'ai dit, oh là là, c'est fini. Tu m'as dit, oui, mais nous, on n'a pas attendu 7 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a attendu une semaine entre le moment où je me suis décidé à commander Last of Us 2. Ouais. Mais ouais, petit coup de pas de déprime, mais tu sais, un petit coup de mélancolie. Genre, je vois. Ah, cette aventure est terminée. Même si je le refais un jour, je le vais pas le vivre de la même façon. Je sais ce qui arrive à la fin. Donc, Et ouais, c'est surtout le lendemain quand tu te réveilles, tu dis bon, c'est fini, je vais pas. Aujourd'hui, je ne jouerai pas à Last of Us. Ouais, voilà. Ouais. Je vais m'écouter la BO 40 000 fois, mais. C'est ça. C'est, c'est justement le petit rituel, quoi. Ah oui, parce que. Maintenant. C'est ça. Entre temps, j'ai repris mon boulot. Voilà. J'ai re-signé mon contrat. Et ce qui est assez étrange, c'est que pour aller prendre mon bus le matin en période de pandémie et de. Tu te mets ça. De courbe. Hein ? Tu te mets ça dans les oreilles ? Je me mets la BO. J'ai besoin de cette BO le matin. Celle qu'on est en train d'entendre derrière notre exactement, ouais. Petit podcast, là. Mais en période de couvre-feu et de. Enfin, je suis tout seul dans les rues de Rennes. Oh là là. Le matin avec cette BO, ce qui est un peu étrange. Ça me rappelle un peu les scènes du jeu. Oui, c'est vrai. Je m'attends à voir une biche ou une girafe débarquer derrière un immeuble, mais non. Oui, mais toi, pas tu ne galères pas à avoir. Tu te souviens de la boisson que préfère Joël et qu'il ne peut pas avoir, il arrive à en avoir qu'une seule fois. Ah non, pas du tout, tiens. Et ben, dans le 2, il est sur la terrasse et en train de jouer de la guitare. Ah, et puis t'as Ellie qui fait, tu bois quoi? C'est tout fumant dans la tasse et il la regarde et fait, du café. Du café, oui. Bon, j'ai quand même mon café moi le matin. Toi, t'as ton café le matin. Joël, il a galéré et il a dit, bon, il est pas terrible, mais ça fait plaisir. Ah, c'est d'ailleurs cette scène que tu parles. C'est une des dernières scènes où on va voir Ellie et Joël ensemble. Et Joël demande quand même à Ellie, est-ce que tu me pardonneras un jour, en gros? C'est Ellie ça. Doit lui répondre un truc du genre, il me faudra du temps, mais oui. Mais oui. Ouais, oui. Bien sûr qu'elle lui pardonnera. C'est un peu son papa quand même. C'est son papa de substitution, on va c'est dire. C'est ça. Ouais, vu qu'elle est orpheline. Ouais, le coup de blues de fin. Ouais, bah comme Zelda en fait. Alors hein, c'est exactement. Ça a presque été plus violent avec Zelda. Ouais. Ah ouais. En plus, moi je l'ai vécu deux fois le coup de blues hein, de fin avec Zelda. Ah oui, parce que tu l'as fait une première fois, tu m'as regardé jouer un an après. Genre. Voilà. Ouais, ouais. Donc je l'ai vécu deux fois, ça a été très compliqué. Très très compliqué, mais bon, c'est le signe des grands jeux qui font ça, quoi. C'est ouais, c'est ça. Bah, moi, quand je finis un jeu et que j'ai une grosse, vraiment un coup de blues en fait, quoi. Quand je le termine, c'est que ouais, je viens de vivre une expérience assez folle, c'est vrai. Et puis voilà. Moi, je pense que pour clôturer ce petit épisode, ouais, Bibou, c'était très cool. Alors, ouais. Je sais pas si on a dit au début Attends. Qu'on voulait faire un épisode court, ouais. Mais encore une fois, on n'a pas réussi. Non, on n'a pas réussi. Attends, viens, on va se mettre une petite musique pour clôturer. Oui, j'ai si tu veux. Une petite idée. Mais carrément. Comme ça. On va commencer à dire au revoir. Attends, parce que la musique part très vite. Non, mais c'est pas grave. Allez. Mets la petite musique. Bien sûr, je la mets. Allez. Musique importante. La musique de Joël. C'est le morceau de Joël. Ouais. Donc oui, c'était un petit épisode sur Last of Us. J'espère qu'il vous a plu. Ouais. Bibou, merci beaucoup pour ce petit moment. Bah merci à toi, c'était très cool. C'était super agréable. Ça me tenait à cœur de faire cet épisode. Moi aussi, ça me tenait à cœur. On va vous laisser avec Joël sur la terrasse en train de jouer de la guitare. Complètement. Et boire son petit café. Avec un morceau qui s'appelle Future Days. À bientôt, Bibou. Bah, à bientôt, Bibounette. À bientôt. Ciao, bisous. Bisous, bisous. I've no need for any more. Cause I can see our future days, days of you and me. Back when I was feeling broken, I focused on a prayer. You came deep as in the ocean. Something out there here. All the complexities and games, no one wins, but somehow they still play. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. And I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones reach, when winds turn dirt to dust, when floods they came, when tides they raced, ever closer became us. Promise. dresses at sundown. I met them like the rest. All the demons used to come round. I'm grateful now they've left. So persistent in my ways. Hey, angel, I am here to stay. No resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. And I believe. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me, you and me. It's just you and me.